Vous l'avez demandé et nous avons... Le nouvel hebdo sur la plume de Louis Potvin nous apprenait hier qu'il y a un projet de piste cyclable entre Ladoré et Normandin. Un projet d'à peu près 13 km qui relierait les deux municipalités. En ligne, on a le maire de Normandin, Mario Fortin, pour nous parler un peu de ce projet-là également, nous parler également des mesures sanitaires à l'approche de la nouvelle saison de hockey. Salut Mario! Bonjour Danny. Mario, si on parlait d'abord de ce projet-là que le Nouvel Hebdo nous a annoncé hier, 13 km, ça fait longtemps que les deux municipalités travaillent là-dessus. Oui, le projet de relier Ladoré-Normandin par une piste de véloroute date d'assez longtemps, puis même, je te dirais, Danny, ça date de l'initiative de la Véloroute des Bleuets. Au départ, la Véloroute des Bleuets avait un projet de passer par Ladoré puis Saint-Félicien. Malheureusement, pour des raisons qu'on n'énoncera pas ici, Ladoré avait décidé de se retirer. Donc, la Véloroute a passé par Normandin, par le site touristique Lefteleau et s'est prolongé jusqu'à Saint-Félicien. Okay. Fait qu'aujourd'hui, ce projet-là, on l'a remis sur la glace, mais ça date de pratiquement 20 ans. OK. Si on parlait un peu de ce projet, ça va relier environ 5 km de Ladoré jusqu'à Chitalo, c'est ça? Comment ça va fonctionner? Bien, le tracé, c'est que le tracé va partir du Moulin des Pionniers, va s'en venir jusqu'au pont qui relie Ladoré-Normandin. Et du pont Ladoré-Normandin, nous autres, on va faire un circuit là pour se rendre jusqu'au site touristique de Chitalo. Et de là, la véloroute, ils peuvent reprendre la véloroute des Bleuets puis poursuivre le chemin. Fait que donc, pour Normandin, c'est à peu près 5 à 6 kilomètres de tronçons qu'on aura à réaliser. Ce qu'on vise comme tracé, c'est de partir du pont, mais c'est du hors-piste. Là. C'est sûr que ça sera pas en voie partagée, ça va être une voie complètement à part. Puis ce qu'on veut aussi, c'est qu'à un moment donné, passer sur le bord de la Charte Mouchouane jusqu'au site touristique La Chalou, ce qui va permettre aux gens d'avoir une belle vue sur notre magnifique rivière qui est la Charte Mouchouane. OK, OK. Dis-moi, on parle même de projet d'une passerelle aussi, hein? Oui, ben c'est sûr. Ça, c'est un projet qui est avec le Parc régional des Grandes-Rivières. Le projet du Parc régional de Grande-Rivière, là, vous connaissez le projet. Dans la phase 2, faut réaliser deux passerelles, donc une sur la rivière Périmonca et une sur la rivière Achap-Mouchouane pour relier le domaine du Roi à la MRC Marche-Valdelaine. Et le projet est de réaliser une passerelle à côté du pont à Chladoré-Normandin. Fait que cette passerelle-là, oui, va être utilisée par le quad et la motoneige, mais on veut y inclure aussi les vélos. Fait que les vélos vont arriver puis ils vont traverser sur cette passerelle-là. Fait que ce qui va rendre le tracé là, très sécuritaire par rapport au pont. Donc, mais on parle de. Je savais qu'entre Ladoré puis Normandin, il passait beaucoup de voies en raison de l'enseignement de Naü, ce qui est PFK. Oui. SFK, pardon. Mais 70 000 camions, c'est beaucoup ça? C'est incroyable. Ben oui, c'est beaucoup. C'est une route qui est utilisée beaucoup par le transport lourd puis pour les installations résolues, puis c'est bien correct. Fait que c'est sûr que nous autres, l'enjeu de la sécurité pour la piste cyclable est très important et c'est pour ça qu'on voulait qu'elle soit complètement dehors là, de l'emprise de la route là, pour éviter pour assurer la sécurité. Okay. Donc, oui. C'est un projet de combien de millions? Bien, pour l'instant, on n'est pas à l'étude encore des coûts. On a eu des discussions avec Ladoré. C'est le projet, ce qu'on regarde. Ladoré travaille actuellement à relier la véloroute à partir du Loup de Saint-Félicien jusqu'à Ladoré. Alors là, ces travaux-là devraient se faire cette année. Et la phase 2, ça va être de repartir de Ladoré puis venir se boucler à Normandin au site touristique Chitalo. Donc, pour l'instant, c'est prématuré de parler de coûts, mais on est engagé là-dedans. Puis on cite un horizon de 4 à 5 ans, là, on devrait être en mesure d'avoir réalisé ces travaux-là. OK. Et ça va être parrainé 50-50 et par Normandin et par Ladoré? La répartition des coûts, c'est chacune des municipalités va être responsable de sa partie. La passerelle sur la rivière à Chambouchouane, on va travailler avec la MC de Marche-Abdelaine puis le Parc régional des Grandes-Rivières pour voir si on doit s'impliquer financièrement là-dedans. Alors, c'est toutes des discussions qu'on va avoir là, au cours des années, mais l'objectif est vraiment qu'un jour, on soit capable de faire cette boucle-là, qui, historiquement, aurait dû être réalisée. Bon, OK. Mario, puisque j'étais en bout de ligne, la saison de hockey, ça vient un grand pas. Comment ça va marcher à Normandin pour Les, voyons, La les Arena moutons Hockey. solitaires, oui, j'ai perdu mes mots, ce que je voulais dire, les moutons solitaires. Les fameuses mesures sanitaires. Ben, on est déjà heureux de pouvoir réouvrir le centre sportif, de permettre aux gens d'avoir du hockey cet hiver. Ouais. À venir encore, voilà une quinzaine de jours, on n'était vraiment pas certain d'ouvrir, ouvrir. Mais là, c'est fait, c'est réglé. On parle de la saison du junior, les Éperville Normandais, qui devraient recommencer une saison. Donc, ce qu'on me dit, c'est que là, l'Aréna, ils sont en train de procéder à l'ouverture. Et le 8 septembre, l'Atlas devrait être admissible aux gens qui veulent pratiquer le hockey. Bien sûr, tout ça dans les mesures de distanciation sociale puis de mesures contre la COVID. Donc, pour nous autres, le restaurant, on ne pourra pas ouvrir le restaurant de l'Aréna. Il y a certains services qui ne seront pas disponibles. Par contre, on va assurer les distributrices. En tout cas, il y a des choses en place. Au niveau du hockey, ben, on travaille avec Hockey Québec, là, ouais. Au niveau des l'enjeu, là, c'est surtout entre les équipes de l'extérieur, quand il va y avoir des matchs entre les équipes. Là, je peux pas aller dans le détail, Danny, parce que j'ai pas toute l'information. Mais ce qu'on me dit, c'est que oui, il va y avoir du hockey. Le hockey mineur a justement procédé à l'inscription, là, hier soir, puis encore à soir. Fait que les choses se remettent en marche tranquillement. Mais c'est sûr que ça va être dans un contexte de mesures sanitaires. Puis on devra vivre avec encore pour un petit bout, là. Puis espérons que la même date l'année prochaine, on se parlera. Puis qu'on sera heureux de dire que c'est une chose du passé et qu'on est revenu à la normale. J'espère. Ben Mario, oui. Mario Fortin, un gros merci au